Il sent bon le sable chaud. Et même s'il n'est pas mon légionnaire, il sait toujours trouver les mots que j'attends quand je manque d'air. Qu'il est beau mon Julot. Je suis sa chose et il est mien. Et même s'il n'a pas de veine, mon Julot, c'est loin d'être un vaurien. Pas mal, Paulette. J'aime bien sa descente de rein. Et c'est sous la couette que je l'aime avec mes mains. Mais trop souvent, elle s'accroche. Elle ne me donne aucun répit. Je sais que c'est moche, mais bientôt je partirai avec mes amis.